comprends pas même à toute fanatique. Y'a une façon spéciale où y'ont apprécié musique. Y'a toujours chanté tabou. We love you. Que c'était en Amérique, en Europe ou dans les Antilles. Y'a toujours montré fierté qui symbolisait le groupe là. Nous apprécier ça en pile. C'est ça que fait notre travail dur. Samedi soir, yo dehors, yo presque gué la fière. Pour yo vin danser tabou combo, yo te mette sous bâton. Tout pomme yo a vibré, c'est dans tabou y'a jeune guérison. Oh, oh, oh. Même si vous voulez danser salsa, balancez. Si vous voulez danser tabou combo, balancez. Thank you. No encuentro